tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Écrire l'amour, une série documentaire de Virginie Bloch-Lenné, réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a un sentiment universel et banal qui est la base de la plupart des récits. Ils s'aiment, et puis un jour ils ne s'aiment plus. Ou alors, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Ou encore, ils l'aiment, mais elle en aime un autre. Ou enfin, ils s'aimèrent pour toujours, etc., etc. Mais il y a aussi ce plaisir de lire des histoires d'amour, alors qu'écouter le récit d'un amoureux transi est souvent une corvée. Mais alors il y a cette question. Comment les écrivains s'attaquent à cette face nord de l'écriture qu'est l'amour et comment ils utilisent ou pas ce qu'ils ont vécu, à commencer par les commencements. Pour commencer, les personnages. Une documentariste amoureuse, un écrivain indiscret, une romancière pessimiste, un auteur qui ne croit pas au coup de foudre, une écrivaine qui aime se contredire, un auteur qui croit en l'éternité de l'amour et un autre qui le voit comme une aventure à la portée de tous. Ensuite, le décor. Un remède contre la peur, des embrassades irréfléchies, ce moment de l'avant, le désir qui monte, l'aveuglement, la voix de Duras et de Françoise Sagan, des amoureux grotesques, les demoiselles de Rochefort, et le souvenir d'avoir lu Lolita. Aujourd'hui, premier épisode, nous reviennent de vieilles rengaines. Aime-moi comme je t'aime. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça? Dans la rue. Please! Raconte. Please! Please! Please, please, please, please. Say, love me, leave me, let me be lonely. L'amour et les écrivains. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Avant l'amour. L'amour naissant, c'est je sais pas, c'est la jouvence de la vie. Enfin, tu peux pas mieux dire. C'est avant la merde. Voilà. Moi, je sais pas, sur les rencontres, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais c'est vrai que c'est intéressant à voir comment ça se passe, comment le hasard, parce que moi j'ai un petit souci que je crois que beaucoup d'écrivains ont, qui est un souci ou une chance, je sais pas, c'est qu'on est constamment envahi de coïncidences et de hasards qui sont impossibles à raconter, mais vraiment impossibles, parce que on met ça dans un livre ou dans un film, tout le monde dirait... Mais n'importe quoi, dans ce fameux réalité dépasse la fiction, ce n'est même techniquement pas explicable. See me. See me now. C'est difficile de dire des choses intelligentes sur un sujet aussi rebattu depuis la nuit des temps. Aussi bien... dans la vie de tous les jours, par tout le monde, que par les écrivains. Donc, la seule condition pour ne pas être complètement idiot quand on en parle, c'est d'être sincère, je crois. Moi, je pensais que les femmes avaient des raisons de se plaindre des hommes, non? Ah ben, il y a des femmes qui se débrouillent très mal. Françoise Sagan. Enfin, écoutez, il faut aussi savoir ce qu'on veut, et si on veut à la fois régenter le foyer, la maison, le bureau, machin, il faut savoir, il faut être douce avec les hommes. Les hommes sont des grands enfants, des grands lapins. Il faut les prendre par la peau du cou et leur parler gentiment. C'est comme les enfants, il ne faut pas les secouer tout le temps. Et puis, les hommes, oui. C'est plus qu'ils étaient avant, je ne sais pas. Mais si, pour ce vous. Une grande fatigue. Ils sont pris, ils veulent de l'argent. Mais non, un homme, dès qu'ils sont un petit peu faibles ou qu'on a un petit peu d'imagination, un homme, dès qu'on le fait rire, c'est bête, il est enchanté. Il devient protecteur et tout. Les hommes sont très protecteurs, Dieu merci. Au revoir, monsieur. Mademoiselle. Oui. Votre combinaison dépasse. Je sais. Mais ça me fait rire. Mademoiselle, puis-je vous revoir? Je ne sais pas. Ce qui caractérise l'amour en même temps, c'est quelque chose qui est une intensité terrible, mais en même temps, on veut que cette intensité terrible perdure. Régis Geoffrey. C'est-à-dire qu'on veut que cette explosion soit une explosion qui soit éternelle, comme si c'était une explosion qu'on allait faire durer ou qu'on allait écouter au ralenti et vivre au ralenti. Et quand une histoire d'amour commence, on a toujours cette foi folle que c'est un amour qui durera éternellement. C'est-à-dire que l'amour lui-même a ce besoin d'éternité pour exister. Ou du moins, il faut croire qu'il est éternel pour qu'il existe. On ne peut pas vivre une histoire d'amour en se disant qu'elle sera passagère. Et je crois que c'est là la noblesse de l'amour, c'est cette espèce de chose qui sera peut-être contredite. Et en même temps, on n'en sait rien, parce que peut-être que demain, on aura une histoire d'amour qui sera réellement éternelle, au sens où elle durera toute notre vie. Donc l'amour, c'est quand même l'aventure à notre portée, parce qu'on n'a pas des vies tellement aventureuses quand on habite en France en ce moment, enfin, en tout cas dans les milieux où nous sommes, qui sont des milieux extrêmement protégés. Et je pense que l'amour, c'est notre aventure possible, et qui permet de ne pas se mettre en danger autant qu'en faisant la guerre, par exemple. L'amour, ça vient quand même valider quelque chose d'une relation. Enfin, il y a quelque chose avant, quoi. En tout cas. C'est pour ça que, avant de parler d'amour, quand vous me posez la question sur mes personnages, il y a une approche, il y a une rencontre, il y a des... Voilà, parce que l'amour, les gens qui tombent amoureux comme ça, ça fait peur. Serge Joncourt. Ce serait un autre sujet, ça aussi. Mais quelqu'un qui est amoureux, oui, c'est affolant. Quelqu'un qui... Je pense qu'en plus, ça, c'est plus les hommes, souvent, qui tombent. Qui croient tomber amoureux, ils font peur aux femmes. Enfin, je généralise comme ça. Mais... Oui, parce qu'il y a un envahissement d'un seul coup. C'est très, très, très englobant, l'amour. Hein. Ça englobe, quoi. Voilà. Donc ça peut faire peur. Hein. Mais la définition de l'amour. Ouais, non, mais bon, ça, j'y réfléchirai. Hein. Je vous promets qu'un jour. Oui, à minima, on peut dire que c'est ce qui. On le conçoit entre deux êtres, c'est ce qui leur permet de pactiser. Enfin, non, c'est... oui, c'est ça. En fait, une façon un peu définitive, c'est comme un complot contre le monde. Parce que, en tout cas, être deux, hein, c'est pas... Alors après, être deux. Ben voilà, il y a de l'amour, il y a plus ou moins, je veux dire, bon, ça dépend des périodes, ça dépend aussi, mais l'amour, c'est ce qui rassemble à tout le moins deux êtres et qui leur permet d'exister face au monde, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être plus dur seul, et qu'on n'est peut-être pas fait pour ça. Moi, je suis attentif au... j'ai un côté... Alors même à Paris, je suis proche des animaux, moi, j'ai plein de... Alors là, il y a des couples de pigeons ramiers dans l'arbre, et il y a des mésanges, etc. Bon, ça marche par deux, quoi, hein, ces trucs-là. Et il y a une sorte de paix là-dedans qui est... Bon, voilà. C'est... Oui, disons, par défaut, ça serait l'amour, une réponse à la solitude. Mais bon, là, c'est pas très enthousiasmant, mais... Mais il doit y avoir de ça, quand même. Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute, si vous parlez du bout des lèvres. Est-ce que vous pouvez, Emmanuel Bailly-McTam, définir l'amour, le sentiment amoureux? Oui, mais en dehors des livres. Oui, bien sûr. Non, en dehors, non, non, non, non, non, je peux pas. C'est vrai, pourquoi vous pouvez pas ? Je sais pas. C'est trop personnel. Oui, attendez. Non, je saurais pas. Vraiment pas. Lolita. Espèce de crétin, dit-elle en me gratifiant d'un sourire exquis. Espèce de créature immonde. J'étais pure et fraîche comme une pâquerette et regarde ce que tu m'as fait. Je devrais appeler la police et leur dire que tu m'as violée. Oh, vicieux, vieux vicieux. Plaisantait-elle. Ses paroles stupides résonnaient d'une note inquiétante et hystérique. Bientôt, faisant avec ses lèvres une sorte de crépitement mouillé, elle se mit à se plaindre de certaines douleurs. Elle dit qu'elle ne pouvait pas se tenir assise, que j'avais déchiré quelque chose en elle. La sueur se mit à ruisseler dans mon cou et nous faillîmes écraser je ne sais quel petit animal qui traversait la route, la queue en l'air. Et mon acariâtre compagne me traita de nouveau d'un vilain nom. Lorsque nous nous arrêtâmes à la station-service, elle sortit précipitamment de la voiture sans dire un mot et demeura un long moment absente. Un aimable vieux monsieur au nez cassé essuya lentement, amoureusement mon pare-brise. Est-ce que vous pensez à des romans où il y a des relations amoureuses et que vous avez beaucoup aimé ? Alors, il me semble qu'un des plus grands romans d'amour qui ait été écrit, c'est Lolita de Nabokov. Et en même temps, c'est un amour malade, non payé de retour, qui aujourd'hui sans doute serait considéré comme pervers et déviant. Et en même temps, il me semble que sur le sentiment amoureux, Nabokov a vraiment fait là quelque chose de remarquable. Alors pour moi, le grand roman d'amour du XXe siècle, c'est Lolita. Je pense que c'est au-delà du côté nymphète et tout ça. Je pense que c'est un très, très grand roman d'amour. Et pour moi, c'est le dernier grand roman d'amour du XXe siècle. Grégoire Bouillet. Tout ce qui est décrit en termes de désir, en termes de spiritualité du désir, en termes de... C'est absolument prodigieux. Ce que fait Nabokov sur ce livre-là, c'est absolument prodigieux. Je crois que le sujet de ce livre, c'est l'amour. Et l'amour de la manière la plus innocente, j'ai envie de dire. Donc perverse aussi, mais absolument innocente. Et qui n'exclut absolument rien, ni la dimension physique, ni la dimension sexuelle, physique, désirante, ni la dimension purement sentimentale, amoureuse, ni la dimension fantasmatique, ni la dimension du passé. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire aussi. C'est-à-dire que on aime quelqu'un. C'est-à-dire que, étrangement, il se trouve qu'on aime quelqu'un. Et c'est très bizarre d'aimer quelqu'un. Parce que, pourquoi cette personne plutôt qu'une autre ? Et c'est une question qu'on évite généralement de se poser. Et pourtant, qu'est-ce qui fait qu'on distingue telle personne parmi la masse de tous les gens dont on pourrait tomber amoureux ? Pourquoi celle-là ? Et je trouve ça génial comme question, en fait. Alors évidemment, on ne se la pose jamais. On ne peut pas, d'abord, dans le temps même où on est amoureux. Enfin, voilà. Mais... Une fois que, plus tard, en tous les cas, c'est quelque chose qui peut nous péter à la gueule de nous rendre compte que cette personne-là vient de telle ou telle figure de sa propre histoire. Et dans Nabokov, c'est absolument génial parce qu'il prévient d'emblée que Lolita n'est en fait que la reprise de son amour quand il avait 13 ans. Et d'une petite fille dont il était tombé amoureux et qui est mort du scorbut. Et il n'y a pas de Lolita s'il n'y a pas cet amour d'enfance. Voilà. Et du coup, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que cette dimension du temps, elle n'est peut-être pas dans l'avenir, mais dans le passé, elle est absolument inscrite dans la relation amoureuse. On n'aime pas n'importe qui. On n'aime pas n'importe qui. C'est ce qu'il y a de plus important à écrire, l'amour ? Oui. Ce qu'il y a là aussi, c'est que c'est un... Marguerite Duras. C'est une histoire qui aurait pu arriver. Qui est arrivée sans qu'on l'ait su. Mais qui était là. Je suis peut-être la seule à le savoir, mais je le sais. Oui, je crois que je suis la seule à savoir. Il y en a, il y a quelqu'un qui le sait aussi, mais pas moi. Il me semble aussi qu'on écrit toujours à côté de l'amour, pas forcément sur le sentiment amoureux. Emmanuel Bayamak. Sur le désir de possession, sur la jalousie, sur la souffrance amoureuse, sur l'attente de l'amour, sur la perte de l'amour. Écrire sur l'amour, ça me paraît autrement plus difficile et plus rare. J'ai l'impression finalement que mes éléments de langage quand j'écris sur l'amour sont assez chrétiens, parce qu'il y a cette phrase qu'on attribue à saint François d'Assise, mais qui peut être une phrase apocryphe, qui est que l'amour n'est pas aimé. Et vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de mes récits ne sont qu'une variation sur ce thème, sur cette phrase, à savoir que l'amour n'est pas aimé. Et il me semble que beaucoup de mes héros, de mes personnages principaux, sont dans cette position d'adorateurs, mais qui aiment des gens qui finalement ne les méritent pas et qui ne leur rendront pas leur amour, qui ne seront pas amoureux en retour. À présent, j'ose. Car le passé m'encourageait de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Hein? Qui ne le sait pas d'ailleurs. Hein? Pas encore. Hein? Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Hein? Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Hein? Laissez-moi votre main, voyons là la fièvre. L'amour, l'amour, ma chère. Il y a de l'amour dans Madame Bovary? Ah oui, pour moi oui. Mais enfin, peut-être que je donne un sens très très large à l'amour. Hein. Je sais pas, j'ai pas de... Parce que l'amour... Agnès de Sartre. Selon le point de vue où on se place, selon l'angle qu'on adopte, il peut apparaître comme un sentiment très noble, très fort, plus puissant que tous les autres, ou grotesque, presque, oui, ridicule, lassant. Et je crois même sur la vie d'un individu, dans la vie d'un individu, hein, même pas seulement en littérature, il y a des tas de moments où l'amour nous paraît être le centre de l'univers, et d'autres moments, il nous paraît être, un machin, comme un colifichet. Et je trouve que ces variations d'intensité de la présence de l'amour dans nos existences fait qu'il peut avoir toutes sortes d'incarnations dans la littérature, et c'est ça à mon avis qui fait d'ailleurs qu'il a toutes sortes d'incarnations dans la littérature. Et pour moi, les moments, alors peut-être que des personnes plus raffinées que moi vous diraient, ah non, dans Madame Bovary il s'agit d'aveuglement hystérique, ou il s'agit de projection, il s'agit de désir et pas d'amour. Alors j'avoue, j'ai jamais tellement fait la différence, moi. J'ai jamais compris ce que c'était la différence, et peut-être quelqu'un me l'expliquera un jour. Je me souviens de ça aussi dans certains films ou certains livres, le personnage qui dit « je la désirais » ou « je le désirais, mais je ne l'aimais pas », et je fais « bah attends, c'est déjà pas mal ». Donc j'ai peut-être une vision un peu, un peu holistique de l'affaire, mais je crois que ça me convient aussi. C'est-à-dire que pour l'écriture, pour mon travail, j'aime bien ne pas trop catégoriser. Ce qui est très précieux, parce que si je commence à savoir ce que je fais, ça va être un massacre. Old man sunshine, listen you. Never tell me dreams come true, just try. Les mots s'étaient frayés un chemin entre mes lèvres scellées. Est-ce que cela comptait vraiment que je les ai prononcés ici, maintenant, alors que je me l'étais interdit durant si longtemps? Est-ce que cela avait la moindre importance de savoir à qui ils avaient été adressés et où? pourquoi le hasard les avait fait résonner sous l'esquisse si ambiguë des deux filles enlacées, nues et somnolentes, échangeant un regard si long de leurs yeux voilés. Mes bras étaient bel et bien autour d'elles. Pourquoi pas ici, maintenant, à cet instant, pas plus propice, pas plus sincère ni plus éternel que n'importe quel autre instant providentiel. Le dire enfin, quelque part, je t'aime. Penser ne fût-ce que pendant ce court, ce faux instant, que ces mots avaient été prononcés. Agnès de Sarthe, c'est un extrait d'une jolie fille comme ça, d'Alfred Hayes. C'est tout le mystère et le charme de ce livre que j'ai eu la joie de traduire et l'étonnement de traduire, parce que c'est un livre très étonnant, justement parce qu'il se tient à une crête, on ne sait pas où il va basculer, c'est-à-dire que le narrateur, celui qui prononce ces mots qui le surprennent lui-même, ce « je t'aime » lâché, dont il dit qu'il n'est pas adressé à la personne qui est face à lui, mais rien n'est moins sûr. Il est désabusé, c'est un scénariste à succès, il est revenu de tout, et il rencontre cette jeune aspirante comédienne. Donc c'est vraiment le cliché du scénariste hollywoodien qui réussit et qui se tape des minettes en leur promettant je ne sais quoi. Sauf que à cette situation cliché s'ajoute quelque chose qui est une sorte d'attachement qu'il refuse mais qui a lieu. La déclaration « je t'aime », elle tient du couronnement et de la promesse. Donc elle est à la fois l'avant et l'après de quelque chose. Elle est la somme d'un passé et l'engagement pour un futur. Et là, c'est pas du tout ça. C'est un « je t'aime » quasi hormonal, sans passé, sans futur, complètement désespéré et désespérant. Mais ça veut pas dire qu'il soit faux, même s'il parle, le narrateur parle d'un faux instant. Et en même temps, moi, je trouve ça très beau ce moment au début du texte où il dit « quelqu'un a dit « je t'aime ». Et cette voix se fondit en moi. Je me souviens que quand je l'ai lu, ce passage, au moment de le traduire, ça m'a donné des frissons. Je comprenais exactement, je trouvais que c'était d'une vérité poignante et d'une honnêteté incroyable de pouvoir écrire ça. De pouvoir disséquer avec tant de précision la complexité du sentiment amoureux. C'est-à-dire, là, c'est quelqu'un qui résiste au sentiment, qui résiste à l'amour, presque une base philosophique de nihilisme très profond. Et en plus, la jeune femme n'est pas quelqu'un qui suscite l'amour en transformant les choses, en transformant son vis-à-vis. C'est-à-dire, c'est pas la femme qui met fin au nihilisme, qui est tellement géniale, qui est tellement belle, qui est tellement douée, qui est tellement fascinante, qui est tellement autre chose, qui propose un tel ailleurs que le nihiliste sort de son état. Pas du tout. C'est une personne sans beaucoup de relief, assez faible, une gamine parfois géniarde, pas passionnante. Et pourtant, ça a lieu. Et d'une certaine manière, c'en est d'autant plus émouvant. Sur la question de dire « je t'aime », après, chacun a son histoire. Donc, oui, il y a un passage dans le dossier où j'explique, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà dit « je t'aime » à quelqu'un, et est-ce que vous avez été content et satisfait de la manière dont vous l'avez dit ? Est-ce que les mots traduisaient l'énormité de la déclaration à l'intérieur de ces simples mots « je t'aime » ou « je vous aime », ça dépend de la modalité du langage. Donc les mots, ils sont trempés dans tellement de combines, les mots « je t'aime » notamment, trempés dans tellement de combines qu'on peut être très gêné de pouvoir s'approprier des mots qui sont à tout le monde, mais qui ne sont pas les siens à ce moment-là. Et dans mon cas, ça se doublait d'autres choses. Enfin, je raconte ça aussi, parce que ma mère qui était beaucoup suicidaire, m'a appelé un jour, elle venait de prendre des médicaments et voilà, enfin elle était, voilà, et elle m'a appelé pour me dire qu'elle m'aimait. Donc qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, je t'aime, donc une mère dit ça à son fils au moment où elle se donne la mort, donc si c'est une oppression, dire je t'aime, d'un seul coup, c'est assigner l'autre à quelque chose qui peut être aussi ressenti comme du chantage, comme une oppression, comme quelque chose d'incroyablement important, que l'on va plaquer sur l'autre, regarde, je t'aime, prends tout mon amour sur toi, et l'autre peut être absolument... D'abord, ça le prive, lui, de dire je t'aime aussi. Donc, moi, je me méfie beaucoup des mots et de leur poids et de la façon dont on les dit. Et puis, qu'est-ce que l'on dit quand on dit je t'aime? Est-ce que quand ma mère me dit je t'aime au moment où elle meurt, elle me dit vraiment je t'aime, ou est-ce qu'elle me dit autre chose qui est liée à son histoire, au fait qu'elle a été violée et que sa décharge d'amour ne me concerne pas, en fait, et que l'individu, moi, en l'occurrence, reçoit absolument le message, mais sans, dans le même temps qu'il est absolument nié, parce que si elle m'aimait vraiment, elle ne m'aurait jamais dit ça au moment où elle se suicidait. Ce qui m'a, sur l'instant, assez rendu fou, d'ailleurs. Je ne parle pas non plus de ceux qui réclament qu'on les aime. Cela exige d'être aimé avant que d'aimer, toi d'abord et moi ensuite, et cela ne sont que des épiciers. Non, je parle de ceux qui, au moment où ils l'éprouvent, et parce qu'ils l'éprouvent, tentent de dire ce qu'ils ressentent d'unique dans une langue qui est à tout le monde, avec des mots qui ne sont à personne. En tentant de faire passer la pureté de leurs sentiments dans l'impureté de la langue, en tentant de renouer avec l'invention du langage, oui, l'invention du langage. Car à quoi bon avoir inventé des mots si ce ne fut d'abord pour parvenir à dire quelque chose d'aussi indicible que « je t'aime », pour, sans les mains, tendre la main et exprimer ce qui, tout au fond de soi, s'élance vers l'autre et cherche à s'étendre à l'infini, exige d'éclater au grand jour, comme une force impossible à contenir, une lumière devant éclairer le monde, le meilleur de soi-même sans lequel l'homme n'aurait jamais trouvé l'énergie de se dresser sur ses deux jambes et de cesser de se prendre pour un singe, etc. Croit-on que le langage a été inventé pour dire « bonjour, bonsoir, on mange quoi à midi, il y a quoi à la télé ce soir, ne mets pas tes coudes sur la table, allez l'OM, laisse-moi rire ». C'est parce qu'il y a un indicible, par définition, que nous ne pouvons pas garder pour nous et qu'il nous faut pourtant partager et pour aucune autre raison. Et voilà une nouvelle théorie du langage qui me plaît bien. En réalité, l'amour, c'est peut-être assez difficile d'en parler parce que tout le monde l'éprouve ou tout le monde pense l'avoir éprouvé, mais comme c'est un sentiment personnel, c'est un nom qu'on met sur des sentiments qui ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Et je pense que ce qui est problématique dans la relation amoureuse, c'est justement qu'on ne nomme pas la même chose. C'est pour ça que les amants s'entendent parfois si mal dès qu'ils se mettent à parler. Je pense que l'amour, au départ, c'est du cinéma muet. C'est quand aucun des deux interlocuteurs, aucune des deux personnes amoureuses ne parle, ne dit rien. C'est à partir du moment où on commence à employer le langage que le problème se situe et que le problème commence. En réalité, peut-être que l'amour, c'est juste quelque chose de sexuel au départ. Quelque chose d'animal, quelque chose de corporel, quelque chose qui a à voir avec la peau, avec la sensation d'aimer, avec le parfum des autres, de ce qu'on va aimer, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on aimera, de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime. Et à partir du moment où on essaie de communiquer à l'autre ce que c'est que son amour, finalement, on est toujours dans le mensonge, puisque on ne parle pas de la même chose. Vous savez, les mots... c'est très compliqué, les mots. Il faudrait relire Wittgenstein quand il dit qu'un mot ne veut rien dire. Un mot, c'est un jeu de langage. C'est-à-dire qu'il y a le mot et puis il y a tout le langage autour, tout ce qui n'est pas dit et qui correspond à ce mot-là. Et je pense que le langage autour de l'amour est à chaque fois différent. C'est-à-dire qu'on emploie le même mot, on dit l'amour, mais pour une personne, ce sera le contraire de ce que c'est pour l'autre. Alors, personnellement, en tout cas, en ce qui concerne ce livre, des fragments d'un discours amoureux, ce que j'ai voulu, à tort ou à raison, mais c'était, disons, un propos, je dirais, presque entêté chez moi, je n'ai pas voulu, à aucun moment et à aucun prix, construire ce que j'appellerais une histoire d'amour. Roland Barthes. Parce que ce que j'ai voulu restituer, ou simuler, car c'est un livre de simulation, c'est un livre qui simule un discours, j'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui se passe, qui passe dans la tête d'un sujet amoureux. Le sujet amoureux, au fond, ne peut donner lui-même absolument aucun sens, il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit. Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans, on est plongé dans une sorte de désordre profond, de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, et par là même, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif, qui fait d'ailleurs que couramment, enfin, le sentiment populaire depuis très longtemps parle de l'amoureux comme d'un fou. Emmanuel Pagano, vous êtes une grande lectrice de romans d'amour ? Je ne crois pas, mais par contre, je suis une grande spectatrice de mélos. Le média, pour moi, où ça fonctionne le mieux par rapport à ce sentiment-là, ça serait le cinéma, je crois. Voilà. Et lesquels en particulier ? Oh, des mélos très classiques, Bridge of Madison Country, The Secret of Brokeback Mountain, enfin, des trucs très... Est-ce que vous êtes une lectrice de ce que la philosophie, du discours de la philosophie sur l'amour, qui est un discours pessimiste ? Moi, j'ai lu Barthes, bien sûr. Mais en fait, je crois qu'on ne s'intéresse que à ce qui est triste. Moi, la première, en tant que romancière, parce qu'il n'y a rien à dire quand tout va bien. Je crois que c'est surtout ça. C'est pour ça que peut-être la philo a un discours pessimiste, mais moi, je crois comprendre, d'un point de vue philosophique, mais je ne suis pas philosophe, qu'il n'y a qu'un seul sentiment, en fait, humain, qui est la peur. Donc peut-être que ça, c'est pessimiste. Et que ce qui est issu en premier lieu de la peur, c'est l'amour. Une manière de ne plus avoir peur. Après, il y a la religion, c'est autre chose, mais c'est peut-être aussi une construction amoureuse, finalement. En tout cas, ça crée du lien. Et je crois que le sentiment amoureux est arrivé pour ne plus avoir peur. Je pense quand même que l'amour est un sous-sentiment et qui est directement issu de la peur. Nous ou nous. L'aimer, c'est m'inquiéter. L'air devient solide dans ma gorge. Mon ventre contient des objets qui pèsent. J'essaye de trouver des occupations pour mon corps. Marcher, cuisiner, laver les sols et le linge. J'essaye de penser à des choses insignifiantes, de remplacer mon inquiétude pleine, pleine de lui, par de petites préoccupations légères, inoffensives. Mais il m'inquiète à la gorge, au ventre, dès que je m'arrête. Et mon corps alors me rappelle le poids, au ventre, à la gorge, ce poids qui est de l'aimer. Nous, c'est un peu quand même un assemblage de petites histoires que je n'ai pas le temps de développer, ou pas l'occasion, ou pas la force, ou j'en sais rien. Et de temps en temps, j'en reprends certaines que je développe ailleurs. Et là, j'ai travaillé ça sur cette inquiétude, mais d'un point de vue filial, et comment ça nous bloque complètement l'inquiétude. Et qu'il faut s'en débarrasser, parce que justement, c'est cette idée que normalement, on aime pour ne pas avoir peur. Si on commence à avoir peur en aimant, on retombe dans ce processus et ça ne sert à rien. Et c'est quelque chose de très négatif, je trouve, de s'inquiéter en permanence. Évidemment, quand il y a des lieux d'inquiétude, c'est normal. Mais sinon, ça ne sert à rien d'aimer si c'est pour mettre l'autre dans une espèce de gang d'inquiétude. Et ça peut marcher d'aimer sans s'inquiéter ? Alors, ça dépend aussi pour qui on s'inquiète dans la relation amoureuse, parce qu'on peut s'inquiéter pour soi ou pour l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Si on s'inquiète pour soi en permanence, par exemple, s'il y a des problèmes de confiance et tout, je crois que c'est un peu voué à l'échec. Si on s'inquiète pour l'autre dans le sens où on va le soutenir dans une passe difficile, oui, on est là, enfin, c'est un peu le but. Mais si on s'inquiète au point qu'on l'empêche de faire tout, qu'on le bloque, oui, il faut soit arrêter de s'inquiéter, soit passer à autre chose, parce que... Des stratégies pour maintenir l'amour de l'autre. Ben, si, il y a malheureusement quelque chose qui, à mon avis, marche pas à tous les coups, mais qui, dans sa subtilité, peut se vérifier, dans ses subtilités, c'est de se faire désirer. Nicolas Fargue. C'est idiot ce que je suis en train de dire là, mais c'est terrible, mais je me rends compte avec le temps, même d'ailleurs, sur le plan sexuel, ça va pas de soi la sexualité. On sait tous que c'est pas, au contraire. D'ailleurs, Là-dessus, il y a quelque chose de différent chez les femmes et chez les hommes, très très différent. C'est qu'un homme va dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut en faire des tonnes pour que tu me désires ou pour que réveiller le désir chez toi? Mais oui, c'est ça là aussi une des grandes différences. Et je dirais qu'avec le temps, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure en fait, je reboote un petit peu le... Avec le temps, lorsque on vieillit un petit peu et qu'on se connaît de mieux en mieux... J'ai envie de dire quelque chose de terrible, mais on sait ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Pour dire les choses clairement, il m'est arrivé moi-même peut-être de renoncer à du désir pour me faire désirer, par exemple. Parce que je savais qu'à ce moment-là, ben non, il ne faut pas, parce que ça va être, on va s'inscrire dans quelque chose de machinal. De, voilà, donc ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous rendez peut-être, et c'est terrible, mais un peu plus distant, mais de façon... très subtil, pas une distance marquée, mais voilà. Et là, vous voyez que c'est terrible, mais ça marche. La personne va venir vers vous. Bon, vous voyez ce que je veux dire ou est-ce que... Oui. Oh là, très bien. Bon. Cha-cha-cha d'amour. Take this song to my lover, shoo shoo little bird, go and find my love, cha cha cha. Apollinaire, le lièvre. Ne sois pas lascif et peureux comme le lièvre et l'amoureux, mais que toujours ton cerveau soit la hase pleine qui conçoit. Sing my song of love. Est-ce que la définition de l'amour par Lacan, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, ça vous exaspère parce que c'est pessimiste et ronchon, Agnès de Sartre? Le pessimisme ne me dérange pas du tout. C'est même un lieu où je me sens parfaitement à mon aise, étant moi-même très très pessimiste. Je me définirais comme une pessimiste joyeuse. C'est-à-dire que je pars de tellement bas que tout me contente. Un rien fait ma joie. Alors cette définition, ce qu'elle est pour moi, c'est surtout une phrase impossible à retenir. C'est drôle parce qu'on parle d'amour et nous avons, l'auditeur ne le sait pas, mais il y a un chat qui s'est glissé entre nous et qui nous regarde avec une dévotion. On a toute l'impression d'être des objets d'amour irrésistibles, ce qui nous aide aussi. Donc la phrase de Lacan, c'est surtout pour moi une phrase mais impossible à retenir, comme j'ai eu du mal à retenir certaines identités remarquables. C'est ah, je dois me dire, alors attends, je sais que c'est le truc où on ne doit pas aller, alors le contraire du oui, mais non, mais en fait oui, mais si tu le retournes, alors tu retrouves le... Donc ça m'amuse pour ça, c'est comme un casse-tête, quoi. Après, alors c'est quoi? C'est proposer quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est pas mal. C'est bien, Jacques. Non, mais elle est bien, cette phrase. Elle est sûrement très juste. Mais après, elle s'arrête, quoi, pour moi. Je sais que quand j'essaye de réfléchir aux choses en prenant un tout petit peu de hauteur, mais pas autant que Jacques, une chose que j'avais constatée, moi, c'était que... Alors vous verrez, c'est beaucoup moins bien formulé que chez Lacan, c'est que la raison pour laquelle un couple se forme est souvent la même que celle pour laquelle il se défait. Mais ça revient un peu au même, c'est-à-dire que vous rencontrez une femme qui pleure dès qu'elle voit un mouton, par exemple. Et dans les premiers temps, vous dites, oh, c'est génial, mais tu peux pas savoir, cette femme, elle a un cœur, dès qu'elle voit un mouton, elle a une petite larme qui se crée, moi, ça me donne envie de la prendre dans mes bras et de la protéger, etc. Et puis, 3 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, vous dites, oh, ce qu'elle est chiante, dès qu'elle voit un mouton, elle est en train de pleurer. Et moi, j'ai l'impression, enfin, ce que j'observe autour de moi, c'est souvent ça. Femme, homme, peu importe, hein. Bon, ben voilà, c'est la même personne, mais quelque chose a changé. Donc, disons que je ne sais pas comment ça peut répondre à la phrase de Lacan, mais disons que la seule théorie que, pour ma part, j'ai réussi à émettre en 50 ans de pratique, c'est celle-là. Thank you. Grégoire, oui, et pourquoi vous pensez que écrire sur l'amour, comme vous le faites dans le dossier M, ça peut servir à ceux qui sont amoureux ou pas amoureux? Parce que j'ai la prétention de croire que mon expérience n'est pas que mon expérience, mais qu'elle rejoint l'expérience des autres, qu'elle est assez commune, c'est-à-dire que vous tombez amoureux. Et c'est une expérience que tout le monde peut faire, enfin que je souhaite en tous les cas à tout le monde, et que ça dépend du degré d'intensité, voilà. Et que dans le champ de la littérature, c'est quand même un thème assez sinon éculé, du moins récurrent. Et moi, je n'arrête pas de constater à la fois que je suis nourri des histoires d'amour que j'ai lues, et à la fois de la différence qu'il y a de la façon dont ça se passe dans la réalité. Et que je n'arrête pas de confronter, par exemple, la rencontre de Frédéric et Madame Arnoux, avec comment moi ça s'est passé, par exemple avec le personnage de M dans le livre. Et c'était rigolo d'articuler toutes les fois où, dans la littérature, il suffit d'un regard, je pallie à sa vue et tout ça. Et moi, c'est pas du tout par un regard que l'avènement de l'amour s'est passé. Donc je n'arrête pas de confronter le savoir de la littérature dont je suis complètement imprégné, puisque moi j'ai... Évidemment, quand on arrive dans la vie, on est imprégné de tout un tas d'idées sur l'amour, d'idées plus ou moins romantiques, plus ou moins salaces, plus ou moins tout ce que vous voulez, qui fait qu'on n'est pas vierge en termes d'idéologie amoureuse, en tous les cas, quand on aime. Ça me fait penser à une histoire que j'aime beaucoup, que raconte Vianne Augien, le philosophe qui est mort récemment. Il a trouvé ça chez un anthropologue, mais j'aime beaucoup l'histoire parce qu'elle en dit assez long sur la méconnaissance, en fait, dans laquelle chacun somme de la chose amoureuse. Et cette méconnaissance est en fait extrêmement culturelle, enfin, avec plein de modalités. Donc, en fait, l'histoire, c'est un explorateur, ça doit être au 17e, se retrouve dans une peuplade, alors je sais plus si c'est l'Amazonie, peu importe, j'ai oublié. Et donc il y a un conseil de tribu, et la conversation se met à rouler un petit peu sur l'amour, et le chef de la tribu demande à l'explorateur européen, lui dit, mais alors dans ton pays, comment ça se passe, comment est-ce qu'on aime? Alors l'explorateur explique, en fait, donc il se réfère un petit peu à l'amour courtois, il dit en fait, le chevalier, quand il tombe amoureux de sa belle, il a tout un tas d'épreuves pour conquérir le cœur de sa belle, il doit franchir énormément d'obstacles, se confronter à plein de dangers pour enfin que sa belle, pour conquérir sa belle. Et alors le chef indien hoche la tête longuement et il dit, mais il pouvait pas prendre une femme plus facile? Et là, l'histoire est rigolote, mais elle dit quelque chose sur le fait que nous imaginons aimer dans une certaine façon, et cette façon est extrêmement occidentale. Et que si j'étais né dans une peuplade d'Amazonie, pas sûr que j'eusse aimé M de la façon dont je l'ai aimé. J'aime tout le monde à travers M désormais. J'ai rencontré celle qui que quoi donc où. Celle où est donc Ornicard. Ça marche dans les deux sens. Oui, ma quête est terminée. La beauté vient d'entrer dans ma vie et ce n'est pas pour faire semblant. Ce n'est pas pour rire. Ce n'est plus sur un écran, aussi grand soit-il. Le pressentiment que, 2 mois plus tôt, j'avais éprouvé à côté de la machine à café de Marc Illico s'est transmué en une certitude hilare. Une allégresse vibrante. Je la sens dans mes fibres comme le gage d'une étreinte nouvelle dans l'existence. Je ne l'explique pas ce qui m'arrive. Je sais seulement que cela m'arrive. Une évidence radieuse. Cette évidence ne m'effraie pas. Malgré tout ce qu'elle a dit et tout ce que j'ai vu, cru voir, ignoré avoir vu, supputé et déliré. Malgré toutes les difficultés, les empêchements, les hic et les couacs, les obstacles dressés, les épreuves attendues, mes peurs et mes incapacités, l'amour et ses infinis à la portée des caniches. J'ai une question sur les débuts, Régis Geoffrey. Est-ce que vous trouvez que les débuts d'une histoire, alors même qu'il n'y a même peut-être pas eu de baiser, rien, les débuts sont confortables ou très inconfortables, source d'inquiétude ou... source de grand enthousiasme, un enthousiasme qui peu à peu disparaît. Je ne sais pas trop ce que sont les débuts, comme vous les définissez. Les premiers rendez-vous. Ah, les premiers rendez-vous. Mais c'est quoi les premiers rendez-vous? La rencontre, et oui. Puis ensuite on se revoit. Et puis... Mais vous voulez dire sans sexualité? Ouais. J'ai pas tellement connu. Je sais pas si beaucoup de gens ont connu ça, c'est-à-dire d'avoir des rendez-vous multiples avec quelqu'un. Non, pas multiples, mais. Un? Ah, deux? Ouais. Non, oui, les débuts. Moi, je crois que Moi, j'ai quand même l'impression qu'une histoire débute. Quand la sexualité est en jeu, parce qu'autrement, il faut commencer par là, à mon avis. À mon avis, il faut commencer par là. Alors souvent, même ça se termine par là. Mais j'ai pas tellement d'expérience sur de grandes aventures qui soient platoniques et qui durent. Je sais pas. Ou alors peut-être qu'on peut avoir une aventure platonique et des amours platoniques avec une femme qu'on a déjà connue charnellement, pour employer des mots un peu surannés, parce que à ce moment-là, cette question ne se pose plus. Mais je pense que tant que la question sexuelle se pose en tant que frustration, je crois que la relation n'est pas. C'est une relation un peu artificielle. N'est pas une relation pleine de sincérité. J'ai pas tellement connu la situation dont vous me parlez. Donc voilà, l'amour naissant, c'est, je sais pas, c'est la jouvence de la vie. Enfin, je peux pas mieux dire. C'est avant la merde. Voilà. Non, mais parce que la merde va arriver. C'est-à-dire l'autre et soi-même, nous allons arriver dans l'histoire. Mais à ce moment-là, c'est au moment où on tombe amoureux, c'est pas encore le cas. C'est le moment où on est dans la découverte. Enfin, c'est comme un explorateur qui met le premier pas sur un continent inconnu. Et alors, il va falloir qu'il arpente ce continent, qu'il en a plein les mirettes, il n'arrête pas de découvrir. Et alors, en même temps, il remarque quand même que là, quand même, des petits fruits un peu pourris, là, faut faire gaffe. C'est-à-dire que il y a une dynamique, évidemment, amoureuse, mais en même temps, il y a une lucidité incroyable. C'est-à-dire qu'on a déjà repéré, et même si on ne veut pas y penser, même si on met son mouchoir par sa poche, on sait déjà, je ne sais pas, je prends l'exemple le plus trivial, moi si je rencontre quelqu'un qui a 30 ans et j'ai 57, même si la personne tombe amoureuse de moi, elle va penser que j'ai 57 ans. Et que ça va poser un problème, un jour ou l'autre ça posera un problème. Sur le moment, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial dans l'amour naissant. Pour l'instant, rien ne pose problème, mais on voit tout. On n'est absolument pas aveugle. Enfin, on dit que l'amour rend aveugle, mais c'est une stupidité sans nom. On n'est jamais autant affûté dans notre observation de l'autre qu'au moment où on tombe amoureux. Sauf qu'on fait un choix, et on fait un choix absolument positif en faveur de l'autre, à ce moment-là. Mais on voit tout. On voit s'il a des pieds palmés, on l'a vu, quoi. On ne sait pas si on va aimer ça, mais on va faire avec. Pour l'instant, ce n'est pas le problème. Ses pieds palmés, OK, on va faire avec. C'est drôle. C'est marrant, à ce moment-là. Voilà, c'est drôle. Mais, et puis, un jour, ça posera un problème. Il y en a marre des pieds palmés. OK. You know, I was walking the other day. I heard one of the most weird, sorrowful, pleading things I've ever heard before. I heard a man begging, crying out. He said, "Don't let him take me." He was talking to his girl. Her name was Porgy. It started like this. He said, "I love you, Porgy. Don't let him take me." Donc voilà, un jour. Voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arrêter ce bonheur. Et peut-être qu'il peut durer très très longtemps. Il y a des gens qui s'aiment 50 ans et c'est pas du chiquet, c'est pas faux. Je ne sais pas comment ils font, c'est peut-être une autre époque. Peut-être qu'on n'est plus dans une époque où il est possible de s'aimer sur la durée, parce qu'on n'a plus on est plus centré sur des valeurs suffisamment éthiques qui fait que l'autre c'est l'autre et on l'a choisi et on se tient à ce choix et on va continuer de l'aimer toute sa vie. Aujourd'hui il y a une espèce d'injonction individuelle qui fait que si moi il y a un truc qui me déplaît, il va prendre le pas sur le lien ou la promesse que j'ai pu faire à quelqu'un. Donc là il y a aussi un rapport d'époque qui rentre dans l'histoire d'amour. Il est évident que tomber amoureux aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que tomber amoureux au XVIIe siècle, ou tomber amoureux au XIIe siècle, ou tomber amoureux du temps de Néandertal. C'est pas du tout. Et ça, on ne le maîtrise pas. On ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que la relativité de tout ce que l'on vit n'est jamais resituée dans un contexte qui soit celui de l'époque, celui de la société, celui de l'Occident versus des peuples qui fonctionneraient pas comme nous. Enfin voilà. Donc tout ça rentre et se met à bouger à l'intérieur du sentiment amoureux. Mais j'ai personne à la recette. Hein. That they are together, that they love each other. This means that you can go on and on and on. Pourquoi on se met dans cet état-là? Non, mais c'est... Je veux dire, quand les gens sont vraiment amoureux, ils sont complètement... je sais pas, enfin, ils sont bizarres. Je me souviens que j'avais une, il y avait une conversation qui m'avait beaucoup marquée avec un psychanalyste. Avec qui je parlais au moment de... alors ça va peut-être paraître terrible ce que je vais dire, mais tant pis, c'était au moment des... juste après l'attentat au Bataclan. Et il me disait, ma journée se passe à entendre des gens parler de ça, de la mort, du terrorisme, du danger, de la guerre, de l'horreur. Ça réveille d'énormes choses. Il me dit, enfin, sauf les amoureux, hein. Eux, ils n'en parlent pas du tout. Ils ne l'évoquent même pas, on dirait qu'il s'est rien passé. Et ça je m'étais dit, ah quand même, c'est ça que je veux dire par énorme, au sens où ça vous prélève hors de tout. D'où vient cette force qui vous prélève de l'horreur, qui vous prélève du quotidien, qui vous fait oublier dans certaines aventures, vous oubliez vos enfants, vous oubliez tout, vous oubliez les gens à qui vous avez dit oui, bien sûr, je serai là pour toujours, et à vos amis, tout ça ne compte plus du tout. Qu'est-ce que c'est que cet état? Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est énorme quand même. Parce que vous êtes quand même la même personne, et puis un an avant, vous étiez tout à fait responsable. Un an après, si ça se trouve, vous serez de nouveau extrêmement sérieuse et responsable. Mais alors à ce moment-là, c'est ça que je veux dire par énormité. Donc l'énormité au sens où on peut pas y croire quand même. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Ah non. Une émission sur l'amour. Vous êtes amoureuse, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les gens que vous avez reçus, qui ne sont peut-être pas dans cette émotion-là nouvelle et première. Et rien. Ah non, c'est pas possible. C'est déloyal. Vous l'avez rencontré comment? Vous êtes rencontré comment? Non, attendez, j'arrête deux secondes. Non, mais vous non. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé. Avec Grégoire Bouillet, Emmanuel Pagano, Nicolas Farge, Régis Geoffrey, Serge Joncourt, Emmanuel Bayamaktam et Agnès de Sarthe. Dans un an et un jour, si extrait de film Dracula de Francis Ford Coppola, La Dolce Vita de Federico Fellini, Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau et Les Demoiselles de Rochefort de Jean-Jacques Demy. Tu serais bien aimable de venir me chercher. Recherche INA, Isabelle Fort-Rendu. Lecture, Maëlle Genet et Philippe Cariou. Mixage, Claude Niort. C'était L'amour et les écrivains, Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Et les bouquins de poche, aux pages déjà connues. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez tomber amoureux, bibliographie, lien, nous podcaster pour le premier rendez-vous ou nous réécouter avant de dire je t'aime, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, deuxième épisode, le couple.